Chapitre 3e. Notre vie, écrivait quelque temps après Raymond à sa mère, est maintenant fort agitée. Ma femme, qui connaît le monde entier, a retrouvé ici 3 ou 4 familles avec lesquelles la sienne est en relation à Paris. Nous ne sommes plus seuls 1 minute. On déjeune et on dîne de compagnie, on se promène ensemble, on rentre ensemble, ensemble on fait des parties de campagne. J'aurais souhaité un peu plus de tranquillité. Claire est toujours charmante pour moi, mais elle l'est aussi pour les autres. Je ne voudrais point jouer le rôle de trouble-fête. Pourtant, il m'arrive quelquefois de souffrir un peu en constatant qu'elle n'est déjà plus tout à moi. Que sera-ce, mon Dieu, cet hiver à Paris, s'il faut que même ici, le monde vienne me la prendre? Depuis 15 ans, en effet, que le jeune ménage était installé à Biarritz, Claire avait rencontré au casino, où elle se faisait conduire tous les soirs par son mari, bon nombre d'anciennes connaissances. Les déjeuners sur l'herbe, les promenades en voiture, les courses à la barre de l'Adour, à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz, avaient aussitôt commencé. C'était chaque jour de nouvelles parties, d'autant plus bruyantes et plus folles, que l'on y trouvait au fond moins de plaisir, mais qu'il était de bon goût de paraître si prodigieusement amusé. On rentrait le soir, harassé de fatigue et de chaleur, blanc de poussière. On se donnait rendez-vous au casino, afin d'y dresser, après dîner, le plan de quelque nouvelle expédition, aussi agréable pour le lendemain. Et Raymond assistait avec une sorte de stupeur aux efforts désespérés de ces mondains pour tromper l'ennui, le morne ennui qui s'abat sur eux dès qu'ils ont quitté leur Paris. Un soir qu'il écoutait sans y prendre part, une conversation fort animée, où l'on élaborait le programme d'une excursion à Fontarabie, en break à 4 chevaux, quelqu'un lui reprocha gaiement de ne pas s'associer avec plus d'entrain à ces divertissements. « Ne faites pas attention, » s'écria Claire, irritée de l'air un peu maussade que le jeune homme apportait invariablement à ses réunions. « Mon mari a toujours beaucoup admiré les stoïciens du tableau de couture. Laissons-le gémir sur la frivolité de ses contemporains. » Raymond ne parut pas remarquer cette boutade, mais vers minuit, quand ils furent rentrés dans leur chambre, il eut une explication avec sa femme. « Ma chère Claire, lui dit-il d'un ton qu'elle ne lui connaissait pas, vous vous êtes moquée de moi ce soir devant 10 personnes. Cela n'est pas très généreux, car je ne vous avais point provoqué, et vous saviez fort bien que je ne me défendrais pas. Je vous interdis de recommencer jamais. » Lorsqu'elle entendit ces paroles impérieuses sortir d'une bouche qui ne lui avait encore adressé que des paroles d'amour, la jeune femme parut d'abord assez disposée à se rebiffer. Mais au moment où elle haussait les épaules, d'un air de bravade, Claire rencontra un regard si ferme que, pour la première fois de sa vie, elle se sentit aux prises avec une volonté plus forte que la sienne. Surprise et confuse, elle balbutia quelques mots où perçait son dépit, fit sa toilette de nuit en un tour de main et se coucha, face au mur, sans dire bonsoir à Raymond. Elle sommeillait depuis 1 heure à peu près, quand le bruit d'une porte qui se fermait avec fracas dans le couloir la réveilla. Elle leva un peu la tête et regarda. Le clair de lune entrait dans la chambre par la fenêtre, dont les volets n'avaient pas été fermés. Raymond s'était couché, mais ne pouvant pas dormir, il se tenait assis sur son lit, placé à l'autre bout de la pièce. La jeune femme le vit porter à plusieurs reprises un mouchoir à ses yeux. Une émotion qu'il n'avait jamais éprouvée jusqu'alors envahit Claire à ce spectacle. Elle eut la révélation soudaine d'une haute valeur morale, d'une énergie virile, accompagnée de douceur et de tendresse, toutes choses qu'elle ne connaissait point, ne les ayant encore rencontrées ni dans son père, ni dans aucune autre personne. Elle se sentit fière d'être aimée par cet homme, qui venait avec un seul mot de lui fermer la bouche, et qui maintenant pleurait comme un enfant, tant il souffrait sans doute, d'avoir été contraint de parler durement à la femme qu'il adorait. Touchée jusqu'au fond du cœur, Claire se redressa, sortit de son lit, traversa la chambre nu-pied. « Pardon, » dit-elle en se glissant doucement auprès de Raymond. Et la lune, dont la blanche clarté semblait plus blanche encore en passant à travers les rideaux de mousseline, fut témoin cette nuit-là du premier baiser d'amour vrai que Claire eut encore donné à son mari. Elle descendit le lendemain plus tard que d'ordinaire. Le vieux monsieur décoré, qui s'était fait présenter à elle et qui se trouvait par hasard chaque matin au bas de l'escalier quand elle sortait de sa chambre, remarqua même qu'elle était un peu pâle et que sa démarche trahissait une sorte de langueur. « Eh bien, belle dame, » dit-il en s'approchant pour la saluer, « avez-vous bien dormi malgré le vent ? 16 jours déjà que nous sommes mariés, n'est-ce pas, comme le temps passe ?»« Ne m'en parlez pas, » répondit Claire en jetant un regard à Raymond. « Il me semble que c'est d'hier. » Et elle tourna le dos assez impoliment au vieux monsieur, impertinence qui combla d'aise son mari. Cette journée-là parut courte à Raymond, car il la passa tout entière en tête-à-tête avec sa femme. Ils retournèrent à la chambre d'amour en se donnant la main, comme deux mariés des Batignolles, disait Claire, qui vont faire leur pèlerinage à la cascade. Ils agitèrent la question du tu et du vous. « Savez-vous ce qui est arrivé à mon père quelque temps après son mariage ?» dit le jeune homme. Étant invité à un bal aux Tuileries, il alla se faire couper les cheveux. « Vous devriez mettre un peu de cosmétique à monsieur, » dit la femme du coiffeur en s'adressant à son mari. 2 heures après, papa et maman entrent dans la salle des maréchaux. « Tu connais le capitaine Blacher, n'est-ce pas, Eugénie ?» dit l'empereur à l'impératrice. Ce soir-là, mon père et ma mère prirent la résolution de se tutoyer. Claire, persistant à trouver le « vous » plus distingué, Raymond n'insista pas, bien qu'il préférât le « tu » comme ayant quelque chose de moins solennel, de plus intime, et qui par conséquent convenait mieux entre époux. « Avec les idées que vous avez sur le mariage, disait Claire, je ne comprends pas que vous préfériez dire « tu » à votre femme, car enfin, ce serait lui parler comme vous avez parlé à vos maîtresses. On tutoie toujours sa maîtresse, n'est-ce pas ?»« Mon Dieu, ma chère Claire !» Je ne me suis pas livré à des études spéciales sur cette matière. Oh, vous ne me direz pas, j'imagine. D'abord, je vous trouverais stupide, si vous n'en aviez pas eu. Si j'avais été garçon, moi, je vous réponds que... Claire ! Oh mon Dieu ! Voilà que je redeviens inconvenante. C'est la chambre d'amour qui veut ça, décidément. Voyons, mon petit Raymond, soyez gentil, et je vous embrasserai bien. Parlez-moi de vos maîtresses. Vous en avez eu beaucoup, n'est-ce pas ? Dites-moi s'ils étaient aussi jolis que moi, et si vous les avez autant aimés. Vous êtes folle, ma chère, de m'adresser des questions semblables. Pourquoi ? Parce que vous êtes ma femme, et qu'une femme qui parle à son mari de choses pareilles diminue le respect qu'il doit avoir pour elle. Le respect ? Ma foi, pourvu que vous m'aimiez, et que vous ne me trompiez pas, je crois que je ne tiens pas trop à votre respect. Vous avez tort. Le respect est précisément ce qui distingue l'amour qu'on a pour sa femme de celui qu'on a eu pour une maîtresse. Ne dites pas de mal du respect, Claire, et plaignez les ménages où il n'existe pas. On ne vous a jamais dit que vous parliez quelquefois comme un pasteur protestant. Un jour, à l'oratoire, j'ai entendu un sermon dans ce goût-là. C'était un mariage. Il y avait en chaire un grand diable de ministre, maigre et roux. Il nous a dit les mêmes choses que vous. En sortant, j'ai appris qu'il avait 14 enfants et qu'il en était à sa 4e femme, les 3 premières étant mortes, je ne sais pas pourquoi. Jamais, mon ami, je n'ai entendu parler avec tant d'éloquence du respect que l'époux doit à l'épouse. Non, décidément, le respect, je vous en tiens quitte, c'est trop dangereux, j'aime mieux autre chose. Qu'est-ce qu'il vous faut alors ? Je vous l'ai déjà dit, de la fidélité, parce que je ne suis pas prêteuse. Oui, la fourmi non plus, c'est votre moindre défaut, et ensuite ? Ensuite, je vous le répète, de l'amour. Lequel ? Il y en a plusieurs. Et vraiment, je commence à ne plus savoir quel est celui que vous demandez. Raymond, voilà que vous faites votre œil méchant. Quel amour je veux ? Est-ce que je sais, moi ? Évidemment, ce n'est pas un amour de ministre protestant. Ce serait plutôt... Je n'ose pas le dire. Vous me feriez une scène. Dites toujours. Eh bien, ce serait plutôt un amour comme celui qu'un homme du monde doit avoir, il me semble, pour... Pour sa maîtresse. Oh, mais entendons-nous bien. Une maîtresse femme du monde, pas la première venue. Si vous voulez que je vous dise toute ma pensée, je me figure que cela serait charmant de nous aimer ainsi. Pas besoin de nous cacher, puisque nous sommes en règle avec monsieur le maire et monsieur le curé. Vie large, facile, puisque nous avons déjà tout ce qu'il nous faut, en attendant que nous soyons très riches. Un bel appartement tel que je le conçois, chambre à coucher, salle à manger, lingerie avec le gaz, 3 salons, fumoir, grande antichambre, réception bien organisée, ni trop de monde, ni trop peu, pas de femmes trop compromises, ni d'hommes trop tarés, quelques diplomates. Il n'y a rien de plus meublant que les diplomates. 1 ou 2 compositeurs pour le piano, des compositeurs jeunes, de bonne volonté, à qui l'on puisse faire jouer d'autres musiques que la leur, des gens de lettres. parce qu'un écrivain qui reçoit ses confrères semble toujours avoir plus de talent qu'eux, un grand homme, mais pas plus d'un à la fois. Comme je sens que je vous arrangerai cela, et que je vous ferai honneur, et que nous serons avant 6 mois le ménage le plus envié de Paris, si vous me laissiez faire. « Ma chère Claire, » dit Raymond, « je n'ai pas besoin de vous dire que votre programme de vie s'éloigne assez sensiblement du mien. Nous causerons de tout cela quand il en sera temps. Sachez seulement pour aujourd'hui que l'immoralité inconsciente qui se montre quelquefois en vous me confond, et qu'elle me désespérerait si je n'avais l'espoir et la volonté de vous en guérir. « Quelle immoralité ? » demanda-t-elle, surprise. « J'ai dit quelque chose de mal ? » ?»« Non, rien, ce n'est pas votre faute. Vous êtes un enfant qui ne sait pas ce qu'il dit, et qui aurait honte de lui-même s'il le savait. Allons-nous-en. » Ils marchèrent en silence à côté l'un de l'autre pendant quelques instants. Tout à coup, Claire se mit à rire et dit « Est-ce que vous portez toujours un parapluie, Raymond ? À quel propos me demandez-vous cela ? Oh, c'est une question que j'ai envie de vous faire depuis longtemps. Tenez, depuis le jour où je vous ai rencontré au presbytère avec l'abbé. Ah ? Eh bien, puisque cela vous intéresse, j'en porte lorsque le temps me paraît menaçant, comme aujourd'hui. Oui, sans doute. Seulement, il me semble que le temps vous paraît souvent menacé. Et puis là, vrai, vous avez des parapluies de l'autre monde. Enfin, vous ne comprenez rien au parapluie. Celui que vous avez à la main, par exemple, est déplorable. Voyez comme il est gros, comme il est lourd. C'est une tente. Le pasteur protestant dont je vous parlais tout à l'heure en Inde, dans ce genre-là. Il y a place dessous pour toute sa famille. Voilà, dit Raymond, que vous recommencez à vous moquer de moi. Enfin, nous sommes seuls, je vous pardonne. Seriez-vous assez bonne pour me communiquer maintenant vos idées sur cette grave matière ? Plus grave que vous ne pensez. Il se mit à développer, de verbe, la théorie de l'importance du parapluie dans la toilette masculine. Elle décrivit tous les aspects qu'il peut prendre, selon qu'il est ouvert, fermé, roulé, avec ou sans fourreau, mince ou gros, lourd ou léger, fin ou épais de manche. Chacun de ces aspects, prétendait-elle, a la valeur d'une révélation sur les goûts, le caractère, le tempérament, l'état social du porteur. Il est des parapluies aristocratiques et il en est de bourgeois. Quelques-uns ont l'air vieux, là, découragés, l'autre, l'air jeune, artiste et conquérant. Le même ne saurait convenir à un attaché d'ambassade et à un membre de l'Institut, à un officier civil et à un notaire, à un peintre et à un dentiste. Certains ont je ne sais quoi de rustique et de vétérinaire, qui peut encore se supporter à la campagne, mais qui choque sur le boulevard. Ceux-ci éveillent des idées de sacristie, comme les redingotes des pions de Stanislas, ceux-là des idées de confort, d'élégance, de luxe, de haute vie. Enfin, c'est un monde. Vous êtes très amusante, ma chère Claire, dit Raymond avec un sourire un peu triste. Vous devez avoir beaucoup de succès dans le monde. Oh, jusqu'à présent, je n'y ai pas encore débuté pour de bon. C'est si gênant d'être jeune fille. Il faut toujours avoir sa langue dans sa poche, faire la grue. Je vous conseille d'éviter cette expression. Pourquoi ? Elle n'a pas toujours le sens que vous lui attribuez. Et dans l'autre sens, elle est inconvenante. Tiens, je ne savais pas, c'est étonnant. Oui, j'ai remarqué que vous étiez assez bien informé en général. Mon Dieu, vous savez, on apprend le plus qu'on peut. Je vous disais donc que je compte bien avoir du succès cet hiver. Vous verrez comme vous serez contente de moi. Et maintenant, allons prendre notre bain, voulez-vous ? Raymond avait reçu la veille de sa mère une lettre où celle-ci lui conseillait d'obtenir, dans l'intérêt même de la santé de Claire, que la jeune femme se livra avec beaucoup plus de modération à son goût pour les bains de mer, et il avait lu entre les lignes la pensée de tendre sollicitude qui inspirait ses recommandations. Il profita donc de l'occasion qui s'offrait pour indiquer discrètement que ces bains trop fréquents étaient de nature à compromettre la plus douce et la plus chère de ses espérances. « N'insistez pas, mon cher, répliqua Claire d'un ton sec. J'en prendrais 2 par jour si j'étais sûr de ce que vous me dites. » Raymond devint tout pâle, et cette journée, si bien commencée, se termina pour lui dans une tristesse affreuse.